Alors attends, ouais, je viens de relancer le bazar. Bon, ça marche. Cause pour voir. Un, deux, trois. Ouais. Alors, est-ce que de votre côté, vous êtes en bonne santé? Alors, de notre côté, on est en pleine forme. Ouais. Michaela a pris en charge tous les approvisionnements de l'immeuble en légumes, en fruits pour l'instant. Et puis, on va voir un peu comment ça se passe. Parce qu'elle va chercher du poisson, elle va chercher de la viande, elle va chercher du lait. Elle va où, là? Ah ben, elle va sur Internet. Ah oui, c'est ça. Et on se fait livrer. Parce que actuellement, les marchés, c'est fini. Et voilà, les marchés, c'est fini. Bon. Alors, bon, si vous êtes en pleine forme, nous aussi, ben, on peut attaquer. Hein. On y va. On y va. Alors, je commence. Je reprends mes notes de la dernière fois. Créer un lien de Aria vers le jardin merveilleux. Est-ce que tu as fait ça? C'est fait, mais tu sais, quand on va dessus, de toute façon, il demande demande de passer par Google Site, oui. Et donc d'avoir un compte sur Gmail. Donc il me demande à chaque fois le nom et le mot de passe. Donc, c'est pas fait parce que t'as pas mis le bon lien. Alors attends, je vais le faire encore une fois. Ouais, ouais. T'as pas mis le bon lien. C'est une question de lien. S'il te demande ça, c'est ça ni plus ni moins. Alors attends, je fais ça. Mais tu sais, ça date du moment où en fait j'arrivais pas. Alors. D'accord. Hop, j'y vais. Et non, ça va pas. C'est pas le bon lien, donc parce que ça marche pas. Alors attends, écoute-moi bien. On va aller sur le site. J'y suis pas encore. Là, je mélange un peu plein de choses. Voilà, ça, je mets ça là. Toi, je t'ai là dans l'angle et ça me va bien. Ah ouais, t'es beau. Ouais. Ah ouais, t'es magnifique. T'es magnifique. Faudra t'acheter des lunettes sans reflet. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Alors, attends. Faut qu'on soit au même rythme. Et pour l'instant, j'ai pas ouvert le site. Et je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, ce que tu fais, tu ouvres le site. D'accord. Tu vois, copie. Alors, en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Pardon. Oui, c'est à droite, je ne me trompe pas. Tu as ma trombine, tu as des petites flèches. Oui. Ensuite, tu as aperçu, hein, l'écran, etc. Oui. Et tu vas là. Copier le lien du site publié. Tu l'as? Ben moi, le lien, je l'ai tout en haut. Là, j'ai le HTTPS, site Google, non, site rien, tout le bazar. Et si tu m'écoutes, c'est mieux. Alors, ouais, je recommence. Alors, je recommence. Je vais sur le site. Sur le site d'Aria. Non, sur le site du Jardin Merveilleux. Attends, on en était à mettre un lien entre Aria et Jardin Merveilleux. Mais d'accord. Aria vers Jardin Merveilleux ou le contraire? C'est Aria vers le Jardin Merveilleux. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur ton site Aria, oui, on clique sur le lien du Jardin Merveilleux et on arrive ici, sur le jardin. Alors, oui, c'est ça. Je recommence. En haut à droite. Jardin Merveilleux. Voilà. En haut à droite, tu as nos trombines, des petites flèches, les aperçus selon les modes d'écran, et oui, après, copier le lien du site, voilà, publié. Voilà, tu prends ça. Voilà. Crac. Donc, et copier le lien, tu cliques sur copier le lien. Ça marche. Maintenant, tu vas sur ton site. Voilà. Et à l'endroit qui va bien. Alors, je le mets. Voilà, et là, je mets un. Tu fais coller. Alors, tu mets Jardin Merveilleux et tu fais coller. Alors. Normal. Coller. Avec ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre, c'est mieux. Par exemple. Alors. Ok, bah alors, C'est tout ce qu'il nous fait. Ok. Attends, t'énerve pas. Je vais aller sur Aria. C'est quoi Aria? C'est Aria, et puis c'est. Donc je le retrouve à 2E2D. Oui, ouais, c'est je ça. L'ai trouvé. C'est sûr. Je l'ai trouvé. Oui, bon. Alors, tu l'as mis où le lien? Alors, je l'avais mis, mais il a pas été pris, sur le site web en construction collaborative, sur la première page du Jardin Merveilleux. Il y a déjà une page Jardin Merveilleux. Sur Aria 2E2D? Oui. Tu as tous les machins qui sont sur le côté, là, toutes les pages qui sont sur le côté. Ouais. Dans les pages projet, tu as dedans Jardin Merveilleux. Bon, alors. Dans les pages projet, j'ai Jardin Merveilleux. Ouais, j'ai trouvé Jardin Merveilleux. Toc, j'y suis. Lien vers les visions, le suivi, lien vers le site c'est web. Ça. C'est ça. Viens, lien vers le site web. Allez, je suis en train de le faire, mais il rame. Mais non, mais c'est. Attends, comment t'as fait? Alors, annulé. En fait, je suis rentré dans les écritures, c'est-à-dire j'ai la possibilité de modifier ce truc-là. Ouais. Donc, je suis rentré dedans, donc je peux souligner, en fait, je peux sélectionner le texte lien vers le site web en construction collaborative. Exactement. Ensuite, j'ai créé, ajouté ou supprimé un lien. Alors, je mets ajouter un lien. Ouais, d'accord, c'est très bien. Je fais coller, voilà, petit Google, View, Jardin Merveilleux, ça y est. Valider. Je fais ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre, OK, et là il rame. Il rame pourquoi? C'est pas. Il aime pas. Bon, alors, il aime pas, je valide. Ouais, t'es toujours erreur 404. Ouais, ouais. Alors, il n'aime pas, c'est que tu t'y prends pas bien. Alors, on va déjà faire une chose. Moi, je vais sur le site d'Aria. Oui. J'ai en tout en bas de la colonne des accès, en bas à gauche, propriétaire du site et contact. Oui. Tu le vois? Oui. Eh bien, mets en ligne, dans les contacts, le lien. Tu le mets sous Aria 2E2D. Ouais, tu mets Jardin Merveilleux, deux points, et tu mets le lien. Alors, attends. Ça, il faut que je passe par. Alors, déjà, annuler ça. Ignorer les modifications. Voilà. Alors, maintenant, c'est agir sur. Alors, les paramètres, les questions, modèle de page, action sur le site, gérer le site. Alors, c'est plutôt là. Non, c'est pas là. C'est ajouter une page, non? Non, c'est. Dans contact, tu dois le retrouver. Attends. Alors, paramètres de la page, je vais plus loin. URL de la page Jardin Merveilleux, mais bon, d'accord, modifier, autoriser, non. Alors, révision, modification, paramètres imprimer, copier, déplacer, supprimer, aperçu, modifier la page, gérer le site. Non plus. C'est pas ça. Je suis en train de faire un test, moi, pour savoir comment on fait un lien là-dessus, parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. C'est ça. Là, c'est pas le bon truc. Attends, je suis en train d'insérer un lien. Toc. Avec de l'eau. Insérer un lien. Attends, je recopie le lien là. Toc. Il est là, copié, tac. Je suis là, je viens de supprimer l'ancien lien qui est, qui n'était pas bon. Maintenant, je mets le nouveau. Ouais. Alors. Voilà, je reprends ça à Copy Link. Je reviens sur Aria. Modifier. Ça y est. Hop. Je refais. Créer un lien. Coller. Voilà. Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. OK. Alors. Je vais aller vérifier. Ah non, mon problème. Il me fait OK, mais il rame. Non, non, mais je pense que tu t'y prends pas bien. Alors, moi, je viens de cliquer sur Aria. Oui. Dans la rubrique gauche contact, je ne vois rien apparaître. Non. Annuler. Ignorer les modifications. Voilà. Alors maintenant, il faut que je retourne dans cet endroit-là, dans le machin de navigation. Parce que moi, dans le même temps que tu essayais de créer un lien sur Aria, je viens de créer un lien sur le site du Jardin Merveilleux. Oui. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Donc, si ça prend pas, c'est que peut-être que tu fais pas la bonne technique. Alors, par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est... Donc, Jardin Merveilleux. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te montrer comment on fait le lien de... Aria vers le Jardin Merveilleux. Moi, je vais essayer, ça va pas marcher. D'accord, Jardin Merveilleux. Voilà. Donc, je commence. Hein. Ah, mais ça y est, je sais pourquoi. Pourquoi ? En fait, je ne suis pas propriétaire du site. Quoi ? Là, je me présente en tant que possibilité de modifier, mais je ne suis pas le propriétaire. Voilà. Où ça ? Sur Aria ? En fait, c'est marqué Philippe Vestal, mais en fait, je suis rentré par PVestal 67. Or, sur celui-là, c'est le propriétaire du site, c'est philippe.vestal@gmail.com. Ah, le dernier que tu m'as envoyé. Voilà, c'est pour ça que j'y ai pas. Alors, je refais toute la manœuvre en sortant de PVestal 67. Déconnexion, ici... Ça, je sors de là aussi. Voilà. Je sors de là aussi. Très boom. Drive, j'enlève. Compte Google, je change. Ça devrait aller mieux après. Hein. Alors, philippe.vestal@ suivant. Voilà, là du coup, je passe sous philippe.vestal@gmail.com. Voilà. Je vais passer par ton invitation à modifier le site pour ouvrir Jardin Merveilleux. Ça devrait donc marcher. Voilà. Avec les autorisations modifiées, c'est bon. Maintenant, je vais sur le site d'Aria, où je devrais aussi avoir l'autorisation de modifier. Voilà. Voilà. Modifier la mise en page du site, partager l'autorisation. Là, j'ai beaucoup plus de possibilités. Voilà. Je vais sur Jardin Merveilleux. Voilà. Hop. Maintenant, modifier. Peut-être que ça vient de moi, ça. Annuler. Ignorer les modifications. Je vais passer par... la mise en page. Alors, la barre latérale. Alors, c'est là que je vais descendre. Barre latérale. Sidebar, navigation, voilà. Alors là, il faudrait que je mette dans les contacts, c'est ça? Ouais, c'est, oui, il faut le mettre aux deux endroits. Le premier, bon, tu vas déjà le mettre dans les contacts pour apprendre bien la manip, et ensuite tu vas, alors tu fais Jardin Merveilleux et tu fais le lien sur Jardin Merveilleux dans les contacts. Et puis après, il faudrait le mettre sur la page qui me paraît bien, la première que tu évoquais, la page du Jardin Merveilleux, Wonderful Garden. Alors, là, je viens de faire une modif. Est-ce que tu la vois? Sur Aria. Je vais te dire. Ouais. Alors, j'ai la modif, mais le site... Le lien, il n'est pas actif. Il n'est pas actif. Non. Bon. Alors, allons-y. On recommence. Alors, écoute-moi, Philippe, parce que je vois que le temps tourne, là. Oui. Et bon, vers 16h, 16h15, il faudra qu'on se sépare. Est-ce que tu... Bon, moi, je préfère te laisser faire ça, si tu veux. Oui. Hein? De même, alors, tu le mets dans les contacts, mais il faut d'abord mettre Jardin Merveilleux. Et pas l'adresse. Mais d'accord. L'adresse, elle vient s'implémenter sur Jardin Merveilleux quand on va cliquer dessus. D'accord. Alors, je vais mettre Jardin Merveilleux. Et puis après, tu mets le lien dessus. Et puis après, bien sûr, il faudra. Je peux te parler là? Ça va? Ça suit? Oui, attends. Juste, je suis en train de le faire en même temps. Hop. Bon, d'accord, ok. Bon, il faut le mettre là dans les contacts, Jardin Merveilleux, et il faut que ta rubrique de la page Jardin Merveilleux, toujours sur Aria, tu mets lien vers le site en construction, et bien là, il faut que ça soit actif, parce que sinon, ça rime à rien. Oui, d'accord. Hein, tu fais les deux? Bon. Et moi, je ferai, parce que je ne savais pas. Bon, si tu vas, va sur... Oh, attends, il se met à causer de lui. C'est dommage, ça. Attends, je prends. Vas-y, vas-y. Salut Régine, ça va? Ben, écoute, moi ça va, je suis en conférence Skype avec un ami, est-ce qu'on peut se rappeler demain tranquille? Ouais, si tu veux, 17h30, ouais, 18h30 pour toi, d'accord, vous allez bien sinon, ça va? Bon, ça va, allez, tu m'appelles demain en fin d'après-midi, hein, d'accord? Allez, bisous, je t'embrasse, au revoir. Ça, cette copine-là, elle est en Égypte. Et comment dirais-je? Et on devait être avec elle, mais j'ai annulé le voyage. Bon. Et elle est en Égypte, et je pense qu'elle a des petits problèmes pour rentrer, mais bon, on verra ça demain. Alors, ouais, je voudrais que tu ailles sur le site du Jardin Merveilleux, hein, parce qu'on j'en suis. D'accord? J'y suis. J'ai fait un test. Voilà. J'ai fait un test. Mets-toi sur la première page. D'ailleurs, on va balayer le site. J'y suis. Bon, sur la première page, tu as sous Jardin Merveilleux, tu as Le Monde n'a jamais eu autant de sujets, Jardin Merveilleux, etc. Oui. Et tu vois là tout de suite en dessous, dans ce carré-là ou ce rectangle-là, j'ai mis Jardin Merveilleux. Exact. Clique dessus, tu vas voir, on arrive, ça marche très bien. Voilà, il me dit qu'il y a un lien, c'est tout. Mais tu as accès ? Non. En fait, comme je suis en mode modification, il m'avertit juste qu'il y a un lien que tu as mis, mais j'y suis pas là. D'accord. Il faudrait que je sorte de mon... D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, le tout, c'est de te dire que faire un lien, c'est très simple. Mais bon, il faut bien prendre son temps et bien comprendre ce qu'on fait. Alors, je reprends mes notes. Donc, j'avais ça. Le site, il n'est encore pas référencé par Google. C'est pour ça que j'aimerais qu'on travaille sur les mots directeurs. Le brainstorming, faire le questionnaire Google, bah, il est arrivé à 5h moins 2. J'ai pas eu le temps. Ça te donnera le temps, comme ça, de le lire. Mais on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Ouais. Ouais. Les mains de Michel-Ange. Alors, j'ai remis les mains de Michel-Ange. On était où à... C'est à Merveilleux. Hein? C'est sur la page Merveilleux, normalement. Ouais, alors je disais. Voilà, super. Ouais, alors j'ai remis les mains. Par contre. Alors attends, parce que. C'est toi qui étais merveilleux. Bon, alors j'ai remis les mains. Par contre, je ne suis pas arrivé au-dessus. Oui. Alors, est-ce que tu vois la tête de Dieu ? Oui, on voit la tête de Dieu, on voit la tête d'Adam. Bon, mais c'est vrai qu'il y a le... Bon. Mais c'est pas grave, maintenant qu'on a les mains en dessous, c'est pas trop grave que... Non, voilà, on pourra peut-être faire quelque chose. Hein? D'accord ? Bon. Ça, c'était mon taf. Attends, je regarde si j'ai d'autres choses, les mains de Michel-Ange. Et après, bon, je passe à quelqu'un d'autre. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne ensemble depuis la première page jusqu'à la cinquième ou la sixième, et qu'on regarde un petit peu ce que j'ai fait et qu'on soit d'accord sur le principe général. D'accord ? D'accord. Alors, premièrement, j'ai trouvé comment on pouvait activer une photo, tu sais. Alors, je suis à la première page, Jardin Merveilleux, tu vois que la photo, elle est bien, bien plus sympa que celle qu'on avait avant. Oui. Et donc, attends, bouge pas parce que moi je suis perdu là. Bon, attends, faut que je fasse ça, voilà. Toc. Donc, la photo, pour la rendre plus sympa... Tu vas en bas de la photo à droite, et tu vois, il y a une espèce de truc kabbalistique. Oui. Et c'est à partir de là, tu bignotes là-dessus, et ça te rend la photo plus sympa. Tu comprends ce que je dis ? Oui, attends, je suis allé dans l'aperçu pour voir ce que ça donnait uniquement, sans avoir les modifs. D'accord. Quitter l'aperçu. Voilà, alors là, j'ai la photo. J'ai toujours les possibilités de changer d'image, réinitialiser, type de titre. Je ne suis pas là. Je suis pas là. Je suis sur cette photo, en bas de la photo à droite. Oui. Et il y a marqué, il y a un signe kabbalistique. Tu prends ta souris, tu vas à droite. Et là, tu as réglé la lisibilité. Tu vois ça quand tu mets ta souris ? C'est la petite photo, hein, tu es là. Non, je suis sur la grande. Ah, d'accord. Bon, moi j'étais sur la petite et je cherchais vainement. D'accord. Régler la lisibilité. Tu le vois? Bon. Eh bien, je me suis aperçu que si on cliquait pas bien là-dessus, il faut cliquer plusieurs fois, la lisibilité n'était pas bonne. Ah, voilà. Bon, maintenant, c'est là que ça se passe. Bon. Alors, la photo, là, elle me paraît sympa. Si tu veux, je me suis toujours battu dans ma vie. Il y a des trucs que je ne sais pas faire en matière d'informatique ou que je sais mal faire. C'est réduire les photos. Alors, j'ai galéré un peu pour trouver le logiciel qui va me permettre de réduire les photos. Et j'ai déjà travaillé, tu sais, les trois petites photos qui sont en dessous de la grande. Oui. Et tu m'as dit, ça met du temps à s'ouvrir, etc., etc. Alors, ça m'a paru quand même assez singulier, parce que c'est pas des grosses photos très lourdes. Mais si toi, t'as... Qu'est-ce que t'as comme débit chez toi? T'as combien de mégas? Bon, ça, j'en sais rien. Je sais que, en fait, ça varie. Oui, mais en moyenne. Par exemple, les liens qui ne marchent pas et ça rame, c'est qu'il y a un peu beaucoup de monde sur la ligne en ce moment. Donc, et puis, il y a d'autres moments où, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Bon. Donc, je ne m'inquiète pas. Quand ça ne marche pas, je dis, bon, bah, alors, c'est pour un peu plus tard. Et puis, D'accord. Donc, je dois continuer de diminuer le volume des trois photos qui sont là. J'en ai fait deux sur trois. Ouais. Ce que je vais faire, là, je suis allé dans l'aperçu et je vais voir à quelle vitesse ça s'affiche. Non, là, c'est très bien. Là, ça va très bien. Parce que normalement, il n'y a pas de problème. C'est immédiat, là, c'est bon. Bon, c'est immédiat. Là, c'est bien. Bon. Mais je vais quand même les réduire. Je vais suivre ton conseil. Je vais quand même les réduire. OK ? Je vais en profiter pour virer le lien que j'ai créé tout à l'heure. Jardin merveilleux, je l'enlève. Je l'enlève comme ça. Ça ne nous encombrera pas. Donc, tu as pu voir que j'ai fait ton texte initial sur trois colonnes. On descend. Voilà. Oui, c'est ça. Et j'ai supprimé le reste du texte qui était tout au fond, qui était tout en bas, qui était le même. Mais je l'avais laissé exprès. Non, mais je t'explique. Si jamais, quand tu fais des manips comme ça, que tu n'es pas très, très au fait de tout ça, si je perds le texte, on est mal, tu comprends? C'est pour ça que je l'avais laissé. Bon, okay. Et puis je voulais savoir si ça t'allait, dans le principe. Donc, oh, c'est plus bien. On sait faire sur trois colonnes. C'est bien. D'accord. Par contre, ce qui va être intéressant, on va aller dans l'aperçu, là-haut, et on va se mettre en mode tablette. On va regarder si les trois colonnes sont lisibles. Ouais, c'est lisible. Okay. Tu les vois en mode tablette? Voilà. D'accord. Donc là, tu as toujours tes trois colonnes sur ta tablette. Oui. Et maintenant, on va se mettre en mode téléphone. Tu cliques juste à côté. Et là, tu vas t'apercevoir qu'en mode téléphone, eh ben, les textes, ils sont tous les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres. OK. Oui. Bon. Ça va comme ça? Ça va comme ça, oui. Allez, on retourne. Voilà. Alors, donc ça, c'était la première page. Bon, après, moi, je t'accompagne quand tu évolues, hein, si tu veux. Oui. Voilà. La balle est dans ton camp, hein. C'est ça qu'il faut que tu saches. Avec l'eau. Alors, je vais avec l'eau. Là, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Oui. Les photos me paraissent un peu insipides et sans saveur. Pardonne-moi, hein, je suis un peu... un peu direct, mais bon, la toile d'araignée ou je ne sais quoi, la photo en tête, bon, il faudrait trouver autre chose, quoi. Oui. Alors, comme j'ai un travail à produire dans le cadre de mon groupe photo, c'est amusant parce que je ne sais plus si c'est moi qui me suis inspiré de toi ou peu importe. On a un thème à travailler qui va s'appeler « L'eau dans tous ses états ». Oui. Il y a eu une exposition là-dessus, ici à Strasbourg. Ah, d'accord. L'eau dans tous ses états. Bon, alors l'eau dans tous ses états, eh ben, ça va nous amener à traiter le liquide, le solide, etc., la vapeur d'eau. Alors on va voir ce que je produis, si c'est bon ou si c'est pas bon. Bon, d'accord. On va voir. Mais pour l'instant, ça, il faut que ça soit retravaillé. Hein, d'accord ? Marche. Créer et grandir. Alors ça, créer et grandir, ça. Ouais, si ça rajoutait le top word. Eh ben, je connaissais pas ce Scrabble où on empile les lettres, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait une photo moi aujourd'hui que je vais mettre juste là pour voir pour montrer. D'accord. Et je pense que je prendrai un deuxième. Plutôt que de mettre les deux dans R0, je prendrai un deuxième truc à côté avec une photo pour chacun. D'accord. Une photo pour la feuille de papier, puis une vidéo pour la feuille de papier, et puis une photo pour le top word. Voilà, c'est très bien. Alors, attention aux vidéos. Oui. Parce que les vidéos, bah, c'est beaucoup de bandes passantes. C'est ça. Et attends, je vérifie si on peut mettre une vidéo. J'en suis pas sûr. Ah oui, YouTube, tu peux mettre une vidéo. Mmh. Alors, tu vas sur YouTube, ouais. Tu peux mettre une vidéo, mais fais-la très courte. Ton idée, c'est de présenter une boule de papier avec que tu vas colorier à quelques endroits et puis pour la déplier, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Bon. C'est montrer rapidement le geste. Voilà, bon. Alors ça, c'est vachement bien. Moi, ça me plaît bien ton truc. Alors je te laisse faire. D'accord. Et puis, si je vois qu'on, moi de mon côté, je peux faire un petit peu mieux, bah, je te le dis, puis on est chance, quoi. Oui. Hein, d'accord ? Par contre, Top Word, j'ai pas de... J'ai rien sur Top. Par contre, il y a plein de choses sur Internet. Oui. Ça j'ai, je mettrai. Et puis, si ça ne te convient pas, tu trouveras peut-être autre chose. Oui. Sinon, qu'est-ce que tu penses de ce pavé avec cette espèce de bronze avec le dessin de Saint-Goustan ? Moi, j'aime bien la photo. J'aime bien. Bon, alors, je sais pas si c'est au bon endroit, peu importe. Mais. J'aime bien la photo comme elle est, elle a un bon contraste, et ça matérialise Saint-Goustan, quoi. Mais il faut l'expliquer. Bon, alors c'est peut-être pas la bonne place, mais ce que je veux te dire, c'est que cette photo-là, elle a plus de relief que la précédente, quoi. Voilà, bon, donc je l'ai mis là, mais bon, si vous la changez, on la change. Hein ? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle aurait plus de place sur l'accueil, ou je sais pas. Sur l'accueil. Si tu veux, ça. Ou alors c'est le jardin, ou alors dans un jardin. On va voir tout à l'heure. Oui. Parce que ça veut rien dire, si tu veux. Ce logo de Saint-Goustan, stylisé sur bronze, ça veut rien dire. Si tu l'expliques pas, ça veut rien dire. Donc, voilà. Bon. Mais j'ai une bonne photo, quoi. C'est ça que je voulais te dire. Bon, voilà. Alors, l'R0, ben, c'est toi qui vas... C'est moi qui vais modifier. Travailler, ok. Tu as vu, au fait... Ah, si, il y a un truc. Je reviens à la page accueil. Accueil. Tu as vu qu'on peut mettre des couleurs. Des couleurs où ? Tu les vois pas ? C'est la page accueil, hein, Jardin merveilleux, ton premier encart, le monde n'a jamais eu autant, etc. Il est vert, tu le vois pas ? Le fond de page. Le fond de page. Le fond de page est coloré. Oui. Mais pas les textes. Ah ben non, les textes... Attends. Ce que je veux, moi, j'avance un petit pas, hein, et les textes, je crois pas qu'on puisse les colorer. Pour l'instant, je dis ça. Mais je pense que le fond de page pouvant être coloré, ça peut être intéressant. Bon. Et comme tu m'as rien dit, ça veut dire que, ça t'a pas choqué, quoi, quelque chose, hein ? Non, ça ne m'a pas choqué. Voilà. Ça, je dirais que j'ai pas été. Moi, je suis surtout dans, dans la signification et dans les textes. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le fond. D'accord. Mais on l'avait dit qu'on regarderait si on pouvait mettre du texte en couleur. C'est ça. Et ça, je n'ai pas réussi. Et je ne pense pas que ça soit possible, mais bon, on va aller plus loin. Et par contre, on avait dit aussi qu'on mettait des fonds de couleur. Oui. Ben voilà, j'ai mis les fonds de couleur. C'est bien. J'ai 50% de réussite. Par contre, c'est l'arrière-plan. Hein, le fond de page. De la section. Le fond de page. Ouais. Oui. Si je te dis ça, bon, c'est que j'ai choisi une couleur un peu de façon. Bah, j'ai fait ça à ma façon. Si ce. Comment dire, ce vert ne te convient pas, tu me diras. Oui. Si tu veux une autre couleur, si tu veux un autre vert, là, on peut faire vraiment des choses intéressantes. Mmh. Mais ce que je veux dire, dans ce que j'ai compris, puisque là, maintenant, on peut retourner à créer et grandir, la page où on était, la troisième page, oui. Ce qui m'y a fait penser, c'est que le texte, il est blanc, là. Oui. Le fond est blanc. Oui. Le fond est blanc, pardon. Si je voulais mettre de la couleur, je serais obligé, bon, je ne sais plus où c'est, mais je serais obligé de respecter le même vert que celui qu'on a mis en entrée, si tu veux. Ah oui, je vois. C'est parce qu'en fait, tu as choisi un thème. Il y a thème 1, thème 2, thème 3. Ben ouais. Non, je n'ai pas choisi un thème, j'ai choisi une couleur. Si, c'est dans les thèmes. Si, pardonne-moi, mais c'est vert. Ta trombine était sur cet espace-là. Alors, je te voyais toi, mais je ne voyais pas ce qu'il y avait en dessous. Bon, effectivement, c'est là que ça se passe. Et le vert, il est comme ça. Voilà. Bon, mais on peut le changer. Oui. D'accord ? Tu diras. Hein ? Tout à fait. Bon, l'art zéro. Ok, on a vu, Saint-Goustan, on l'a vu, on peut passer à la page suivante, ensemble. Ensemble. Voilà, donc j'ai remis la photo redécoupée un peu à ma façon. Oui. On voit bien les mains, on voit bien les pierres du pont, là, ou la voûte. Et voilà, bon, hein, ça te va, ça? Oui. Ok. Alors, comme tu avais fait une remarque sur abstrait à explicité, oui. J'ai mis combien de mains combien de mains sont à tenir la maquette du pont sur la photo et comment sont-elles placées pour que la voûte puisse se tenir, ne serait-ce qu'un instant. Ouais, c'est pas clair. Oui. C'est pas encore clair. Non, ça explique. C'était la relation horizontale. Ça explique. oui, tout à fait. Voilà, ça explique l'horizontalité. Qui n'est pas horizontal, oui. Qui est plutôt convexe. Bon, bien, écoute, voilà, je voulais te montrer ça. Ensuite, on aborde dans un jardin. Alors là, la photo, elle ne me plaît pas. Ben alors, elle ne me plaît pas du tout. Parce que je l'ai arrangée, parce qu'avant, elle était insipide. Maintenant, elle est très surexposée. Et. Elle ne veut pas dire grand-chose. Hein, pardonne-moi, je suis un peu critique, mais bon, ça gagne un peu de temps. Elle ne veut pas dire grand-chose, et je ne sais pas, cette photo, elle ne me parle pas. D'accord. Bon. Alors. Tu préfères la vue que tu as depuis chez toi? Quand ça sera merveilleux, oui. Oui, pour l'instant, c'est un peu abstrait, quoi, si tu veux. Hein? Oui. Non, mais bon, écoute, ce qui est intéressant, c'est que... par contre, ce qui me paraît intéressant dans la discussion que nous avons là, c'est les objectifs qu'on veut avoir. Oui. Là, sur la page Dans un jardin, tu montres, un étang avec bordé d'arbres, hein? À partir de là, pourquoi tu as mis cette photo là et celle-là? Parce que c'est la photo, c'est la vue que l'on a depuis le jardin. Ah bon? Ben oui. Tu as la vue de chez Madame Fournereau en fait, du bout, en fait, de la propriété de Madame Fourneau, avec le petit mausolée, là, qui est juste entre 1 et jardin. C'est chez elle, ça. Et le mausolée, c'est son mari. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais, j'en ai d'autres qui sont un peu plus à gauche, qui montrent en fait un peu plus les bâtiments, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de montrer que en fait c'est là-bas que c'est éclairé et c'est que ça rejaillit jusque sur le jardin, jusque sur l'endroit où on est. C'est du ricochet de lumière. C'est du ricochet de lumière. C'est un peu le pourquoi de. C'est du commentaire sur n'est pas tant ce qui est derrière nous, mais ce que nous avons devant et qui est éclairé. D'accord. C'est ce que je faisais remarquer à quelques passants qui, lorsqu'ils étaient passés, justement, je leur disais, mais ici, il n'y a pas de soleil. D'accord. Regardez ce qu'il y a en face. Vous vous rendez compte? Et c'est super éclairé. Et moi, je vais te dire, parce que maintenant, le jardin, on le regarde. Et très souvent, Michaela et moi, on se dit, en ce moment, que, il est souvent éclairé par la lumière, oui. Par une jolie. Il y a du soleil sur ce terrain. Il y a du soleil, oui, en bordure jusqu'à la moitié. Celle qui n'est pas en fait éclairée, c'est celle où il y a de la mousse. Mais la mousse, c'est joli aussi. Ouais. Bon, donc c'est ça que tu veux montrer. Bon, alors si on veut aller jusque-là, il faut bien l'expliquer. C'est encore un peu abstrait, si tu veux. D'accord. Bien, mais expliquer. Ouais, il faut l'expliquer, mais la photo, on ne peut pas la laisser comme ça. Parce qu'elle est très surexposée, c'est pas. Bon. Par contre, on refait une, il faut y aller un jour où il y a du soleil. Marc, en ce moment, il y a du soleil, mais on n'a pas le droit de sortir. j'en ai quelques autres, hein, mais. Avec du soleil? Avec du soleil. Côté Fourneau? Mais oui, mais ça, là, il y a du soleil. Bon. Écoute. Tu réfléchis. Je réfléchis. Je suis en train de modifier. Ah, c'est pour ça que je me dis, attends, il y a le truc bignou, là, il commence à... Bon. on réfléchit chacun de notre côté et on essaye et on prendra la meilleure solution. Hein? D'accord? Oui. Mais par contre, il faut l'expliquer. Hein? Oui. Donc, c'est la berge d'en face, hein? Et c'est celle-là qui t'intéresse. Ok. Bon, on va l'expliquer. Allez, on peut passer à la page suivante? Merveilleux. Alors, merveilleux, bon, voilà, les choses sont revenues en état, j'ai mis les mains, est-ce qu'on peut causer sur les mains? Oui. Oui, on doit pouvoir causer sur les mains, avec deux mots, quoi, hein? Avec deux mots. Ajouter un texte alternatif. Ajouter un terme merveilleux. Je viens de voir une option que j'avais pas vue jusqu'à maintenant. Tu la vois, cette option? Alors. Eh ben merde, il n'y a rien qui est apparu. Oui, il y a rien. T'as fait quelque chose? Non, pas du tout. Non. Alors, parce que ajouter un texte alternatif. Alors, vas-y, là, je vois que tu vas modifier quelque chose. Ouais. Alors, il y a marqué ajouter un texte alternatif. Oui. Ah, ou ajouter une légende. Peut-être que ce sera mieux. Ah ouais, c'est en dessous. Ah ouais, qu'est-ce que je mets? Je peux mettre une petite légende en dessous. Oui. En dessous des mains, qu'est-ce que je mets? Bon. Ouais, je mets merveilleux et puis tu... Mais quelle est la distance entre les deux doigts? Ah, oui. Eh bien, elle est infinie. Hein. Selon nos croyances, mais bon. Bon, écoute, voilà, tu vas voir apparaître mon truc. Bon, ça marche que moyennement. Bien. Bon, tu as vu, j'ai mis merveilleux sous les mains. Oui. Bon, mais ça marche que moyennement. Mais ce texte, on peut le changer. Hein? Oui, c'est une invitation à changer le texte. Voilà, c'est une invitation à changer le texte. Voilà, pour ma part, j'ai balayé avec toi le site. Je constate que, bon, bah, on n'a pas fait beaucoup de modifications depuis une semaine, mais j'ai relevé que tu étais à la peine parce que tu n'avais plus accès au site. Alors, si tu n'as pas accès au site, demande-moi. D'accord. Appelle-moi. Parce que je ne veux pas que tu restes en panne. Parce que notre temps de confinement est limité. Oui, enfin, pour l'instant, il a été allongé. Hein. À combien de semaines, voire de mois? Oui, je crois qu'ils ont rajouté 5 semaines. Non, ils en ont rajouté 4. C'est une... Il y a une proposition, maintenant, est-ce qu'elle va être suivie? Je ne sais pas. 4, ça fait 4 et 2, 6, quoi. 6 semaines de confinement. Oui. Mais, pour être très optimiste... faut bien compter 3-4 mois. Faut bien compter 3-4 mois. Et encore, ça sera loin du compte. L'objectif de certains, c'est de se dire quand est-ce qu'on aura le vaccin? Oui, et, alors, oui, pardon, 4 et 6 mois. Alors, quand est-ce qu'on aura le vaccin? Et au moment où on a le vaccin, ben, on vaccine et puis on libère les gens de chez eux. Ça, c'est le raisonnement de certains. Bon. Oui. Donc, on verra ça. Hein. Mais je crois qu'il faut s'armer de courage. Et je pense que dans l'intervalle, on devrait pouvoir faire un site sympa, quoi, tu vois. On aura un peu de temps devant nous. OK? Ça roule. Bon, voilà. Alors, maintenant, ce que je te propose, si tu en es d'accord, c'est qu'on aille faire un tour sur ton questionnaire. Bien. Parce que là, je vais devoir travailler dessus. Et si tu veux que je travaille bien, il faut que je comprenne bien. Alors, attends, comment on y va? Si tu disparais, t'inquiète pas, je te retrouverai. Où est-ce que je suis? Ah oui, il va falloir lire mes mails, parce que tu es sur mes mails. Mais comment je fais? Ah, voilà. Voilà mes mails. Ok. Ok, Philippe, le voilà, questionnaire. Ah, tu ne m'as pas envoyé qu'un questionnaire, il y a d'autres choses avec. Bon, on va lire le questionnaire. Alors, ce questionnaire, il fait combien de rubriques? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 rubriques, d'accord? Oui. Et, alors, je lis, j'essaye de comprendre ce que tu as dit. Hein, pourquoi le jardin merveilleux vous interpelle-t-il? Parce que vous avez besoin d'une vision optimiste du futur, parce qu'il ne ressemble à aucun autre, parce qu'il a une ambition qui nous est, parce qu'il change tout sans violence humaine, parce qu'il s'adresse à tout. Bon, alors, Philippe. Toujours pareil, hein. Oui. Je vais directement. Je te fais part de ma compréhension là sur ces quelques premières lignes. Je crois que ça manque d'une introduction. Oui. Parce que brutalement, tu amènes les gens. Pourquoi le projet Jardin Merveilleux vous interpelle-t-il? Moi, je crois qu'il faudrait mettre 3 lignes pour expliquer, quoi. Parce que les gens, ils vont peut-être répondre, mais ils savent pas dans quel contexte ils jouent. Oui. T'as pas défini le cadre. Oui, le problème, c'est que 3 lignes, c'est un peu court. Bon. Si, il faut aller à 3 lignes. D'accord. Il faut aller à l'essentiel. D'accord? D'accord. Donc, c'est des questions à choix multiples. OK. D'accord. Autre, expliquer fortement. D'accord. Okay. Ça me paraît bien ce que tu as mis là. C'est intéressant parce que tu balayes un certain spectre. Et en le faisant, je regarderai si on n'a pas d'autre chose à mettre. Mais ce que je voudrais, moi, c'est qu'ils ne mettent pas des croix partout. Oui. Et qu'on ait des ordres de priorité. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais j'ai vu ça dans des questionnaires, donnés par priorité, etc. 1, 2, 3. Tu comprends ce que je veux dire ? Le problème là-dedans, c'est que... ou alors on met des... Ouais, on met des réponses qui sont un peu, j'allais dire un peu cucu, mais je sais pas. Je sais pas. Là, attends, je comprends pas ce que tu dis. Si, je comprends. Non, je ne te comprends pas là maintenant dans le cucu. Oui. Qu'est-ce que tu veux rajouter autre chose? Parce que je suis toujours sur la première question. Oui. Moi, je pense que dans l'introduction, tu pourrais dire que toi-même, tu as un questionnement. Dans une démarche collaborative de ce qui pourrait être fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Il faut que tu amènes ton auditeur ou ton internaute à bien se poser les bonnes questions, quoi, si tu veux. Et que tu lui fasses part, toi, des questions que... Hein ? Oui. Moi, je crois que l'introduction est absolument nécessaire. Oui. Et je crois qu'il faut qu'elle soit brève et que derrière ça, parce qu'il faut toujours penser au résultat. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter ? Exemple. Pourquoi le jardin merveilleux vous interpelle-t-il ? Parce qu'il change tout sans violence humaine. Comment tu vas exploiter ce truc ? Et voilà, je pense que bien poser le problème. À mon sens, tu vas reprendre ces questions-là et te dire comment je peux les exploiter. Et si tu ne peux pas répondre, ben tu la vires. Ou t'en mets une autre. Je suis un peu trop saignant et rapide. C'est très bien. Ça te va ? Oui, oui. En fait, se poser la question de l'exploitation de la réponse. Exactement. Exactement. Alors, je continue. Pour vous, jardin signifie quoi ? Une place pour cultiver et produire des fruits et des légumes, un espace pour accueillir des amis, un lieu pour se reposer, un lieu pour... Et t'as rien mis là ? Un lieu pour ? Un lieu pour, oui. Bah, là, il faut mettre un mot. Hein. Oui, oui. D'accord. Et après, une réponse libre, c'est très bien. Alors, pour vous, jardin signifie quoi ? Là, regarde bien comment je te décode. Oui. Toi qui es très souvent dans les étoiles et qui veux amener les gens vers une spiritualité, là, le mot jardin, t'es vraiment au ras des fruits et des légumes. Oui. À mon sens, il faudrait qu'il y ait toujours cette spiritualité là qui continue de prendre forme. Mmh. Pose-toi bien la question, hein, d'accord ? Je peux continuer ? Oui. Alors, pour vous, merveilleux signifie quoi ? Une sensation intense de bonheur, une sensation durable de bonheur. Intense et durable. Oui, je comprends. J'essaye de voir ce qui me gêne. Moi. La sensation ? Non, c'est le intense ou le durable. C'est toujours pareil. On va dans l'abstrait. On va dans l'abstraction. Et dès qu'on va dans l'abstraction, le questionnaire, il faut le, faut bien le tenir, quoi, tu vois. Il faut, mmh. il faut le gérer bien. Et là, tu peux vite te perdre et perdre ton lecteur. Des miracles et signes extraordinaires. Pour vous, signifie quoi des miracles? Ouais. Une totale liberté. Très bien, ça c'est clair. À mon sens, pose-toi bien toujours la question, comment je peux exploiter toutes ces questions? Parce que qu'est-ce que tu vas faire si tu as 25% de personnes qui répondent pas à ça, 10 autres qui te disent intense, 17 autres qui te disent durable, et après décide comment tu exploites ça? C'est ça. Et je pense qu'il faut... Tu vois la facette, quoi. Elle oui. s'affirme au fur et à mesure, la facette qu'il faut exploiter, à mon sens. Allez, je continue. Pour vous, jardin merveilleux signifie quoi? Un lieu qui émerveille de façon permanente, un lieu qui interpelle chacun qui y rentre, un lieu de miracles et d'événements extraordinaires, un lieu que tout le monde respecte, un lieu qui ressource. Bon. Ça me paraît pile-poil. Je m'explique. Ça, on peut l'exploiter. Un lieu qui émerveille de façon permanente. Ouais, c'est clair. Un lieu qui interpelle chacun qui y rentre. Voilà, là, on rentre dans l'introspection et ça cadre. Un lieu de miracles et d'événements extraordinaires. Là, tu commences à prendre ton auditeur et tu l'amènes dans son ascension vers une spiritualité, un lieu que tout le monde respecte. Un lieu qui ressource. Si on te répond, un lieu que tout le monde respecte, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, c'est très bien. Bon, question, hein, tu vois, bon, je te le fais à brûle pour point. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu l'as montré à Sylvie, ton questionnaire? Pas du tout, je l'ai terminé. Mais tu vois à quelle heure je t'ai envoyé. Ouais, d'accord. Ouais, à mon sens, reprenez-le à deux, c'est plus simple. Et dans l'esprit de ce qu'on vient de voir. Allez, pour vous, le bonheur, c'est une maison, des enfants, une voiture, de l'argent. Il manque quelqu'un, hein. Et il manque les parents. C'est ça. C'est cela qui manque, non? Oui, non? Mais tu es parent, tu... Enfin, je sais pas. Là, je me demandais, parce qu'en fait, on rentre dans une... c'est ce que je mets. Un mari, une femme, des parents, des enfants, c'était pas clair. C'était pas évident à trouver le bon terme. Mais est-ce que c'est une bonne question? Ou alors une famille? Par exemple, là tu formules une famille, des enfants, une maison, une famille, une maison, une voiture. Je pense que la voiture est en trop. Ce truc-là, c'est que j'ai posé cette question lors d'un séjour. Un séjour Erasmus, justement, où j'étais responsable d'un projet à 9 partenaires. D'accord. Et en fait, la moitié des profs qui étaient là m'ont répondu ce genre de réponse. Moi, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai une bagnole, j'ai des revenus, ça va. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas. Oui. On est, si tu veux... La bonne question, c'est de savoir où tu veux emmener ton auditoire. Oui. Parce que si tu veux l'amener à une famille, des enfants, une voiture, bon, on n'a pas besoin de se casser la tête. Hein. C'est ça. D'accord, hein. Si le bonheur, c'est de l'argent, etc. Bon, à mon sens... Bon, je continue parce que je trouve intéressant la démarche. Donc, c'est une famille, des enfants, une voiture, hein. D'accord, de l'argent, ok. Aimer, se faire aimer. Ou être aimé, non. J'aurais plutôt mis être, tiens. Aimer, être aimé, oui, corrige, c'est bien. Être en bonne santé, ouais. Avoir une vie qui ait du sens, qui ait sur sens. Non, c'est. Tu peux corriger, là, c'est avoir une vie du sens, D-U, non ? Oui, c'est ça. Ne pas avoir peur. Ça, c'est intéressant. Ne pas avoir peur. Entouré d'amis. Être entouré d'amis. Moi, je pense que tu pourrais commencer à faire décoller un peu la fusée. Rester dans le matériel, ouais, c'est une question. Et après, tu as tout l'aspect sentimental, ouais. Et puis, toi qui aimes bien ça, eh ben, aller plus vers le divin, quoi. Qu'est-ce que... Parce que là, tu parles du bonheur. À mon sens, ça vient un peu brutalement comme un cheveu sur la soupe, parce que dans le site, on ne parle pas de bonheur. Nulle part. Oui. Si, on en parle dans, dans une précédente question. La sensation intense de bonheur. C'est pour ça, en fait, que j'ai repris la question du bonheur. Du coup, il faut savoir un petit peu de quel bonheur on parle. D'accord, oui, mais alors, attends. Et c'est où ton sensation ? Ah oui, sensation intense de bonheur, sensation durable de bonheur. Ouais, mais si tu dis ça, si tu emploies le mot bonheur, il faut que les questions s'enchaînent. Pour vous, le bonheur, c'est quoi ? Tu vois ? Oui, toi, je vais juste après, alors. Ouais, non, mais toi, si je te lis, tu traduis normalement, notamment merveilleux par bonheur. D'accord ? Oui. Mais pas que. Tu dis, est-ce que c'est des miracles ? Est-ce que c'est une totale liberté ou autre chose ? Mais si tu enchaînes bonheur, une sensation intense de bonheur, et alors à ce moment-là, pour vous, le bonheur, c'est quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais un enchaînement, et tu peux dans un questionnaire, tu peux le faire. D'accord ? Oui, oui. Bon, ce qui sera intéressant, c'est une fois que tu l'as fait, ce questionnaire, tu le révises, c'est un conseil, hein, je veux que tu mènes ta vie, mais tu le révises avec Sylvie et tu vois combien de temps il faut pour le remplir. Oui. Sachant que si tu dépasses les 5 minutes, t'es mal. Oui. À moins d'être capable de passionner ton auditoire et de l'embarquer dans un voyage au long cours. Mais si on fait un questionnaire, c'est pour avoir un certain niveau de réponse. Et d'être capable de traduire ces questions par des réponses intelligibles. Mmh. Tu sais, c'est un peu ce que redoutent les politiques. Pourquoi ils ne veulent pas faire de... Comment ça s'appelle en politique ? Référendum ? Ouais, ils ne veulent pas faire de référendum parce qu'ils se heurtent à ces questions-là. Tu as des pays qui ne sont pas très démocratiques, qui font des questionnaires, des bulletins à choix multiples, tu en as un journal, tu les as vus. Mais là, ils sont obligés de voter parce que s'ils ne votent pas, ils sont embastillés. Là, mais c'est... Bon, c'est des questions de démocratie, ça. Mais là, à mon sens, tu peux réduire un peu... je pense que de passer ce questionnaire au prisme ou par un entonnoir de ce qu'on peut exploiter, de ce qu'on ne peut pas exploiter, je pense que ça va t'amener à le réduire. Oui. Mais bien sûr, tu peux le réduire et puis reposer d'autres questions. Bon, on n'est pas. Mais ne dépasser 5 minutes, ça ne va pas le faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec toi. Je pensais aussi que peut-être on devrait comme tu disais, faire une classification peut-être pour éviter, ouais. pour aller un peu plus loin que le fait de cocher toutes les cases, de dire placer de 1 à 3 ou 1 à 5. Alors, attends. Bouge pas. Et permettre une classification. Mais je vais regarder si c'est faisable. Donc, je vais vers mon drive. Je suis à nouveau. Je suis à plus. Formulaire. Comment il l'appelait ? Forme. Voilà. Forme. Voilà. Je suis à forme. Est-ce que je peux faire des questions ? Alors, choix multi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Casser déroulant. Liste déroulante. Importer. Échelle linéaire. Ça veut dire quoi ? 1 à 5. Ouais, on peut faire ça. Question sans titre. On peut faire ça avec un classement de 1 à 5 de ce qu'on veut, quoi. Oui. Moi, je pour mieux cerner les réponses, parce que ça, c'est des... plus tu complexifies les choses, plus c'est difficile à exploiter. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais un questionnaire, faut pas aller de 1 à 5, mais de 1 à 3, par exemple. Oui. Tu comprends ? Oui. Parce que après, ça devient vachement complexe, quoi. Il faut toujours penser au coup d'après. Et le coup d'après, c'est... Parce que ce questionnaire-là, il est vachement important. Il va te guider dans le développement du jardin. Oui. Mais il ne faut pas poser des questions trop tendancieuses, parce que là, tu pollues ton questionnaire, mais ni trop vagues, parce que là, se disant, je reviens sur... ton ascendance vers la spiritualité, et plus tu vas être spirituel, plus tu vas être vague, et plus ça va être compliqué. Plus ça va être compliqué. Mais je pense que... Attends, je regarde ce truc-là. Ouais, d'accord. Question... ça s'appelle échelle linéaire. De répondre à ce qu'on... Bon, ça va ? Oui. Est-ce qu'on a tout fait ? Ou est-ce qu'il nous reste des choses à faire ? Ben là, en fait, tu fais une analyse, mais sache que tu peux proposer aussi. Hein. Ouais, mais je suis tellement plus à l'aise d'être dans l'analyse que dans la proposition. Non, j'essaye, dans ma position vis-à-vis de toi... Parce que j'ai réfléchi aussi à ça, parce que effectivement, je peux m'impliquer plus lourdement. À savoir que pour le faire, il me faudrait plus de temps, et pour l'instant, je manque un peu de temps. Mais confinement aidant, les choses peuvent évoluer. D'accord. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je ne suis pas encore très à l'aise avec tout ça. D'accord. Parce que c'est pour moi encore très abstrait. Et j'ai besoin, autant la spiritualité m'intéresse, communiquer, comme tu l'as très bien dit au départ, avec un site web sur la spiritualité, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est complexe. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop complexifier les choses si on ne veut pas perdre notre auditoire. Oui. Donc, pour l'instant, si tu veux, je préfère me cantonner au rôle de soutien logistique et peut-être de candide aussi. Tu le vois, de temps en temps, je joue le candide. Est-ce que, je peux peut-être aller un peu plus loin pour t'aider, être plus critique. je crois qu'il faut que tu déploies ton merveilleux et qu'il trouve un vrai sens, quoi. Et je pense que toute ta démarche, elle trouvera un vrai sens si tu donnes un vrai sens au monde merveilleux et surtout si tu sais le faire partager, puisque tu veux être dans le collaboratif. Mmh. Oui. Et ça, ce faisant, ce que je viens de te dire, ça peut être peut-être une introduction pour ton questionnaire. Tu peux jouer avec ton auditoire. Et ce questionnaire, il est destiné à qui ? Il est destiné à être mis sur le site, déjà. Ouais, mais pour l'instant, le site, il n'y a que nous deux qui le voyons. Ouais. Bon, ouais. Mais il faut aller plus loin. Et sur Aria, est-ce que tu as un fichier de gens que tu connais, de collègues, oui, tout à fait. Que tu peux impliquer dans cette démarche-là et qui vont jouer ? C'est jouable ? Oui, c'est jouable, bien sûr. Ça joue sur combien de personnes ? Cent. Je dirais que dans l'immédiat, c'est plutôt une cinquantaine. D'accord. Déjà. Ouais. Ceci étant, j'ai gardé tous les contacts qui, en fait, avec lesquels j'ai eu très bon contact. J'ai 1400. Ouais, d'accord. Non, mais ce qui me paraît important, quand on fait un questionnaire, c'est d'avoir un échantillonnage qui tienne la route. C'est ça. Un échantillonnage de gens qui tiennent la route, ben c'est des gens que tu n'as pas perdu de vue depuis très longtemps, qui te connaissent assez bien pour voir où tu veux les amener, quoi, qui vont compléter ton offre par rapport à la connaissance qu'ils ont de toi. C'est ça. D'accord ? Mais, mais déjà 50 réponses, c'est pas mal, déjà. Et puis, ça va nous débloquer un peu dans notre démarche. Ça va nous débloquer un peu dans notre démarche. Et tu vois, en te parlant, je relisais accueil avec l'eau, créer, grandir, etc. Et ça, tu n'en parles pas dans ton questionnaire. Et pourtant, tu as formulé des pages de ton site comme ça. Bon, je te soumets te soumets ça à ta réflexion. Si on veut être en cohérence, à mon sens, si tu veux que le questionnaire pour les gens du site soit... il faut qu'il soit en cohérence avec le site, le questionnaire. Moi, sur le site, en fait, initialement, j'avais déjà... j'avais conçu... au départ, avoir un questionnaire qui envoie d'entrée sur l'art zéro pour se rendre compte un peu de la démarche, j'allais dire, anticulturelle. D'accord. C'est-à-dire essayer de se libérer pour pouvoir ensuite mieux comprendre le questionnaire qu'il y a après, quoi. Mais le faire ces démarches plutôt que de dire... de voir que finalement la réponse maison, voiture, voilà, c'est limité, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je reprends ma position de candide. Hein. Dans ce que tu dis, tu fais un truc à double détente. D'une part, dans un premier temps, je prends en main mon auditoire. Avec l'art zéro, je suis devant l'art zéro, là. Hein. Et alors, j'essaye de comprendre ce que tu viens de me dire, quoi. Parce que, redis-moi ça, parce que l'art zéro, et puis après... Je dirais, candide, nouveau. Ouais. J'arrive sur le site. Ouais. On m'a dit, je dois faire le questionnaire. Je vais dans le questionnaire renvoie sur l'art zéro, et puis la petite démonstration de la feuille de papier. Voilà. Juste pour dire, juste pour montrer que ce n'est pas de la reproduction, que ça va beaucoup plus loin C'est-à-dire qu'il y a, des choses de nouvelles, et pour s'extraire de la culture actuelle et de dire l'art, c'est la peinture, c'est la sculpture, et des choses comme ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et que, oui, mais alors, ces autres choses qui sont possibles, est-ce que c'est le jardin merveilleux ? Ben c'est, oui, en grande partie. Donc, on est bien dans ce questionnaire à double détente. C'est ça. D'accord. Mmh. Il faut peut-être l'expliquer, ça. Ça veut dire qu'il faut peut-être faire deux questionnaires. Un premier questionnaire, c'est comme une fusée à plusieurs étages, quoi. Un premier questionnaire qui te fait décoller, et puis un deuxième qui te met sur orbite. Oui. Non ? Oui, c'est possible, non ? Ah, mais tout est possible. Mmh. Mais ce qu'il faut, c'est déjà un questionnaire. Bon, il faut tout réarticuler à ce moment-là. Effectivement, tu commences par la voiture, et puis après, tu rentres. Ouais, tu propulses ton auditoire en élévation, quoi. Mmh. Vers une symbolique, et jusqu'où, parce que c'est toujours la même chose, jusqu'où tu peux l'emmener sans le perdre. À mon sens, moi, dans un premier temps, je resterai dans ce que tu as commencé à faire. Oui. Et dans un deuxième temps, une fois que tu auras l'auditoire qui sera préparé, on pourra retravailler autre chose. Oui. Mais il faut déjà capter l'intérêt des gens et les amener sur le site. Oui, c'est ça. Mais, à mon sens, si on fait ça, il faut que le questionnaire soit un peu le reflet du site. Oui. Il faudrait qu'en fin de compte, ils trouvent sur le site les réponses au questionnaire, les bonnes réponses au questionnaire. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais rien pour l'instant, je note. Ouais. Mais je pense que... C'est une méthode pédagogique que j'ai pratiquée. Bon, alors, donc tu dois te reconnaître là-dedans. Bon, c'est la cohérence, quoi. En fin de compte, c'est de la cohérence. Rester simple, cohérent, et être capable d'insuffler à ton auditoire un changement de plan. Bon, alors, c'est facile à dire. Voilà. Mais je pense qu'il faut déjà faire décoller la fusée. Oui, il faut commencer. Hein ? D'accord ? Oui, il faut commencer, oui. Bon. Mon cher Philippe, eh ben, écoute, il est 18h23, là, j'ai encore un peu de taf. Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te va, la façon dont on travaille ? Ça va. Ouais ? Ça va. Tu vois des choses améliorées ? Ouais. J'ai été pas mal travaillé par... j'ai écrit pas mal de choses, mais des choses qui ne peuvent pas être mises sur site. D'accord. Et... sur un peu hier j'ai regardé il y avait un film qui s'appelait Noé sur une chaîne. Ah d'accord. Et Noé là j'ai été vachement interpellé par la quantité d'artifices et d'affabulations, d'incohérences qu'il pouvait y avoir sur un truc comme ça à une heure de grande écoute, c'est-à-dire entre 21 et 23 heures. D'accord. Surtout en cette période là. D'accord. C'est vrai. Et par rapport à ça, en fait, on s'aperçoit, ce matin, je me suis réveillé avec, on a trouvé le bio pour les fruits et légumes, est-ce qu'on ne peut pas avoir du bio pour le langage et la parole ? Mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. On a une parole qui est polluée, on a du... Complètement. Ouais. Mais, oui, j'ai déjà lu ça plusieurs fois, là. Histoire, oui, oui. Un retour à la nature, quoi. C'est du Jean-Jacques Rousseau à l'état pur, ça. Mais, oui. Mais c'est intéressant. Bon, on peut en rester là, mon ami ? Ça marche. On convient d'une date ? Pas te laisser partir comme ça, sans date. M'enfuir sans date. T'enfuir sans date, ouais. Alors, on est 25. On est 25. Ouais, de toute façon, peut-être que c'est parti, la semaine prochaine, on est encore là. Hein. jusqu'à plus ample informé, ouais. Oui. Bon. Alors, tu préfères le mercredi, le jeudi ? J'aime bien le mercredi, moi. Allez, Puis, on sera le 1er avril, on pourra se marrer. Voilà. D'accord. Entendu, 17h, 1er avril. Allez, 17h, 1er avril, on fait ça, hein ? Et dans l'intervalle, bah, on continue de causer comme... Hein. Mais je ne voudrais pas que tu restes... comment dire, oui, j'ai compris. Coincé. Coincé, sans me le dire. Parce que ça, c'est pas bien. En fait, je commence à comprendre un peu aussi les questions informatiques. Oui. C'est qu'il y a des jours avec et des jours sans, comme dirait ma belle-mère. Oui. Et il y a des jours où, en fait, tout part de travers au niveau informatique, alors on fait autre chose. Et ben voilà. Et ça, c'est prendre connaissance de son biorhythme et de sa capacité à bien réagir et avoir une bonne perception de son environnement. Allez, mon ami, je te laisse. Passe du bon temps. Je vous embrasse tous les deux. Et puis à la semaine prochaine. Ciao. Salut.